Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans ce numéro 140 de Oser Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 33, toujours avec ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et Headbangers qui nous accompagne depuis 5 ans déjà, et toujours sous la houlette technique de Maxime qui touche les potards, remue les manettes pour que vous ayez le meilleur son possible pendant cette émission, une émission qu'on commence comme d'habitude avec la rubrique générique. Et aujourd'hui, eh bien, je mets fin à un oubli qui n'a que trop duré. J'ai choisi pour vous en effet le générique Yahoo du Muppet Show. Et oui, souvenez-vous, Kermit la grenouille et tous ses amis qui viennent vous présenter en général un invité de ce qui vient de la variété, mais aussi parfois du jazz, on verra quand j'aurai fini ma petite bafouille. Donc dans une ambiance qui commence quand même par un générique qui est assez jazz, une émission qui a été proposé dès 1976 à la télévision française. À l'époque, c'était sur Antenne 2 et j'en loupais pas un numéro parce que j'adorais ça, j'avais 15 ans. Et oui, 15 ans, 1976, ça fait rêver. Et il y avait donc l'orchestre du Muppet Show avec ses marionnettes extraordinaires. L'orchestre qui s'appelait l'orchestre du Docteur Dent en français, Docteur Teeth en anglais, et le Electric Mayhem dans lequel on retrouvait le célèbre batteur Animal, qui était souvent en vedette, qui était complètement taré, qui finissait par tout casser ou tout faire exploser, un peu comme le batteur des Who, qui sur lequel en fait il a été grandement inspiré, je dirais, Keith Moon bien sûr. Et puis il y avait la guitariste Janis avec ses longs cheveux qui pendouillaient toujours à travers les cordes. Il y avait Zoot, le saxophoniste qui avait l'air d'être échappé d'un pub, avec un look un petit peu à la Gatto Barbieri, le saxophoniste de jazz. Et il y avait Floyd, le bassiste, qui s'appelait en français, on ne sait pas pourquoi, Jean-Sébastien. Pourquoi ? Bon, voilà. Et voilà, c'était vraiment une émission complètement folle, très très très drôle. Il y avait aussi un de mes personnages préférés qui était le cuisinier suédois, qui lui aussi faisait tout exploser à la fin des recettes. Voilà, Jim Henson, qui avait créé cette série, a aussi été réalisateur de longs métrages, Dark Crystal en 1982, qui était plutôt sympa, Labyrinthe en 1986, ça c'était moins bien, avec David Bowie qui portait une perruque assez improbable dans ce film qui n'était pas particulièrement réussi. Et puis comme je vous le disais, dans ces émissions de télé au fil des ans, il y a eu quelques invités, rares invités, mais quelques invités quand même de jazz, et non des moindres, et c'est pour moi presque ceux qui ont laissé les plus belles images. Il y a notamment Dizzy Gillespie qui fait le fou avec sa trompette au milieu du groupe du Muppet Show, et puis il y a notamment Buddy Rich, le batteur, qui lance cette idée extraordinaire de faire un duel de batterie avec Animal justement, et ça donne une séquence absolument hilarante entre Buddy Rich et Animal, la marionnette, avec un solo de batterie, enfin un duo de batterie complètement déjanté, que reproduira d'ailleurs un petit peu plus tard dans dans les nouveaux numéros des années 2000, Dave Grohl, le batteur de Nirvana, il refera un deuxième duo comme ça avec Animal, qui sera lui aussi assez drôle. Et puis il y a aussi Gene Kelly, le chanteur danseur de claquettes également, qui sera apparu dans cette première mouture du Muppet Show, qui a eu lieu de 1976 à 1981. Donc on va écouter bien sûr le générique de cette émission, de ce Muppet Show, un très beau morceau, très enlevé, avec des chanteuses. Ça fait très cabaret jazz et tout. C'est très très sympa. On l'écoute tout de suite et ne le loupez pas, ça dure pas longtemps. Et voici le Muppet Show avec comme invité du jour la superbe Juliette Proulx. Égale la musique, les satellites et les bambins, le show. Il est temps de s'habiller, tout beau bien maquillé. On peut lever le rideau, vive le Muppet Show. On m'a raconté une histoire extraordinaire. Oh, je rire. Vous allez vous écrouler de rire, mais elle est un peu longue. Alors attention, c'est l'histoire de... Et sa voix de porte-bonheur est revenu l'honneur d'accueillir notre invité et de vous présenter la grande Juliette Proulx. Et maintenant que la fête commence, sur le plus fantastique ici, ça se termine évidemment, comme d'habitude, par une explosion. Il y a toujours des explosions dans ces émissions. Les pauvres marionnettes finissent généralement bien noircies. Vous avez reconnu aussi les voix françaises, notamment celle de Roger Carrel, qui doublait Kermit. Et puis c'était Micheline Dax qui s'occupait de faire la voix française de l'autre présentatrice, Piggy la cochonne, qui était un grand moment aussi de dérision autour de ces présentateurs. Voilà pour ce lancement d'émission, un petit peu de rigolade de temps en temps, ça fait du bien. On va tout de suite, sans transition, passer au coup de cœur, et un coup de cœur qui fait bien plaisir. Un coup de cœur dont la sortie coïncide là aussi avec le Disquaire D qui avait lieu le 18 avril cette année. Et c'est le trompettiste Roy Hargrove, malheureusement décédé il y a quelques années, à un âge relativement jeune, puisqu'il avait à peine plus de 50 ans, et dont on a déjà sorti un album qu'on avait fait en coup de cœur, un album posthume, il y a 2 ans à peu près. Et aujourd'hui, c'est un album live qui sort donc à l'occasion de ce Disquaire D, et qui sort aussi après en CD, donc il sort en vinyle pour le Disquaire D, et en CD après dans les autres magasins. Un enregistrement live à Berne, ville suisse, donc capitale de la Suisse, dans laquelle il y a un très beau festival, Berne Jazz Festival. Et cet album a été enregistré en l'an 2000 exactement, alors que Roy Hargrove était vraiment... au sommet de sa carrière, avec ce mélange qu'on lui connaît de musique caribéenne, de jazz, de hip-hop, de funk, de soul, etc. Alors il y a moins de hip-hop dans cette version live, parce qu'il était dans un festival de jazz, mais vous allez voir que ça groove quand même sévèrement. On y retrouve bien sûr son groupe habituel de l'époque, avec Larry Willis au piano, le batteur Willie Jones, troisième du nom, qui donc tient les baguettes, Gerald Cannon à la basse, et le saxophoniste Sherman Irby. Et tout au long de cet album, ça groove sévèrement, jazz, funk, soul, tout y passe, notamment sur ce morceau Circus qu'on va écouter tout de suite, extrait de ce live à Berne, Roy Hargrove. Thank you. Royal Groove donc, dans ce live complètement inédit qui sort ces jours-ci, Berne 2000, donc première sortie de ce concert absolument extraordinaire. Il faut savoir que Royal Groove avait à peine 30 ans hein, à l'époque de ce concert, donc on voit la maturité extraordinaire musicale en compagnie donc, de Larry Willis au piano, le batteur Willie Jones, troisième du nom, Gerald Cannon à la basse et le saxophoniste Sherman Orby qui fait un bien joli solo aussi sur ce morceau. Voilà, donc c'est sorti en vinyle et en CD ces jours-ci. Donc précipitez-vous là-dessus parce que vraiment c'est un grand, grand, grand moment de jazz. Alors on a commencé avec beaucoup de trompettes, hein, y compris dans notre générique du Muppet Show, il y avait un peu de trompettes. Donc on continue sur la trompette avec un nouvel album, là aussi, d'un grand trompettiste dont on a fait déjà pas mal d'albums en coup de cœur au fil des années, c'est Dave Douglas. Dave Douglas, trompettiste américain, qui est un petit peu, lui, dans la veine new-yorkaise du jazz américain, toujours un petit peu dans la recherche. Et son nouvel album, il s'appelle Transcend. n'est pas n'est toujours dans cette lignée-là. Il y rend hommage à la fois à Duke Ellington, dont on parlait la semaine dernière d'ailleurs, et à Jack Whitton, qui est un peintre et un artiste visuel qui, dans les années 70, a inventé une sorte de technique qui s'appelle le slab painting. Donc, il versait des grandes quantités de peinture acrylique sur une surface et puis ensuite, il les manipulait pour essayer d'en créer à partir de là des textures presque géologiques, des dessins et des images qui paraissaient être toujours composées de barres, de grilles de petites formes géométriques comme ça qui se multiplient à l'infini. C'est assez étonnant cette technique qu'il avait. Et voilà, Dave Douglas a voulu essayer de composer dans l'esprit à la fois de Duke Ellington et avec des techniques qui s'apparenteraient à celle de Jack Whitton pour cette manière de peindre, c'est-à-dire jeter comme ça sur la partition des morceaux de musique, des mélodies, des rythmiques, etc. Et puis travailler à partir de là et les replacer un petit peu dans l'optique du groupe. Alors un groupe assez riche, hein, puisqu'on le retrouve donc à la trompette, Dave Douglas. Il y a un violoncelliste, Tomeka Reid, qui l'accompagne. On y retrouve l'excellent et aussi habitué de cette émission, James Brandon Lewis au sax, qu'on a assez souvent passé ici. Rafik Bhatia tient les guitares et le batteur est Ian Chang. Le morceau que je vous ai sélectionné pour vous donner une idée de ce paysage sonore assez étonnant, c'est Gentle Collapse et c'est donc extrait de cet album Transcend. C'est donc Dave Douglas tout de suite. Dave Douglas, extrait de cet album Transcend, le morceau s'appelait Gentle Collapse, et on y retrouvait pour une fois de manière assez tranquille le sax de James Brandon Lewis, qui a l'habitude d'envoyer un petit peu plus que ça sur ses albums personnels. Là, vraiment très très doux, très beau son en compagnie de Dave Douglas. Tommy Carraid au violoncelle, Rafik Bhatia à la guitare et Ian Chang à la batterie. Voilà, l'album déroule comme ça, des sortes de pièces qui partent d'un petit thème et puis qui se diffuse un petit peu à la manière des slap paintings de Monsieur Jack Whitten à qui cet album est dédié. On reste en compagnie d'un trompettiste, sauf que l'homme qui dirige l'ensemble qu'on a là n'est pas trompettiste lui-même. Il s'agit du nouvel album de Clément Janinet. Clément Janinet, qui est un musicien qui travaille principalement à partir de violon et puis des dérivés du violon, comme le nickel harpa. Le nickel harpa, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais bon, voilà, vous allez découvrir. C'est un instrument du folklore suédois, une sorte de grands violons qui se jouent à plat sur la cuisse et qui a un petit peu la forme d'un gros dulcimer, un petit peu large comme ça, qui ressemble aussi un petit peu à une sorte de vielle, voilà, et qui a un son tout à fait classique d'un son d'archer, d'instrument archer, mais avec beaucoup plus de profondeur que le violon. Et voilà, Clément Janinet, on est devenu un spécialiste à force de travailler notamment dans la musique baroque, parce que c'est quelqu'un qui est toujours curieux, donc il aime le jazz, il aime les musiques diverses et notamment le baroque. Il a beaucoup travaillé avec l'ensemble classique La Vie Brève, notamment sur des vieux opéras de Monteverdi, l'Orfeo par exemple, ou de Purcell, Didon et Énée. Et voilà, il est revenu de ses expériences avec l'envie de mélanger cette musique baroque avec la musique traditionnelle des différents pays d'Europe du Nord notamment. Et puis le jazz. Alors on retrouve dans son ensemble qui a enregistré cet album Gardens of Silences, les jardins du silence. C'est lui-même donc au violon et au nickel harpa. Et puis Harvey Henriksen aux trompettes et aussi aux effets sonores. Il y a une touche d'électro aussi un petit peu dedans. Ambre Vuillermoz à l'accordéon et Roberto Lucacciu à la contrebasse. Donc le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle Musette. C'est une version qu'il y a sur l'album, mais là je vous ai décoté une petite version enregistrée en live lors du festival Jazz Nevers de 2026, donc qui a eu lieu là au mois de mars dernier. Et donc ce thème Musette est en fait un thème de Marin Marais, le compositeur de cours de musique baroque, et qui a été retravaillé par Clément Janinet. Donc on retrouve cette double signature, Marin Marais et Clément Janinet, sur ce morceau Musette, extrait de Garden of Silences. Clément Janinet, donc en compagnie de Harvey Henriksen, notamment à la trompette. Janinet, donc extrait de cet album Garden of Silences qui vient juste de sortir. Clément Janinet, donc au violon et au nickel harpa, cet instrument traditionnel suédois. Et puis Arve Henriksen, trompettiste norvégien qui joue de la trompette et des effets sonores. Ambre Wuillermoz à l'accordéon et Roberto Lucacciu à la contrebasse. Un bien bel ensemble qui mêle musique ancienne, musique un petit peu arabo-andalouse et puis influence jazz dans le traitement de la trompette notamment. L'album vient juste de sortir et il y en a plein d'autres qui sortent aussi, donc c'est l'heure de la rubrique à bac à disque avec beaucoup de sorties encore en cette fin avril, avec un nouvel album de Elina Douni qui revient avec Reading for the Moon. Nouvel album de Leila Martial aussi, qui vient de remporter et Victoire de la musique. Donc ça fait plaisir de la voir revenir aussi. Et puis des albums de Taj Mahal, le chanteur de blues qu'on avait notamment entendu il y a deux semaines dans la musique. Musique du film Hotspot que je faisais dans la rubrique générique, voilà, il revient avec un nouvel album qui s'appelle Time. Et puis deux pianistes qu'on est bien content de revoir, ils vont certainement avoir leur petite chronique dans pas longtemps dans Osé Jazz. Giovanni Mirabassi qui revient avec un album qui s'appelle Più Avanti et qui est en fait une réinterprétation partielle, parce qu'il y aura certainement aussi des nouveaux morceaux. Le détail de l'album n'est pas encore complètement connu. Più Avanti qui est donc un retravail sur l'album Avanti qui était sorti il y a maintenant une vingtaine d'années, je crois, et qui n'était malheureusement plus disponible depuis des années, alors qu'à l'époque de sa sortie, ça avait été un gros succès. Donc ça fait plaisir de revoir les thèmes que l'on entendait dans cet album qui célébrait un petit peu la musique italienne de revendication des années 30, 40, 50. Voilà, reprise en version jazz. Donc voilà, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans cette émission. Et puis un autre pianiste italien, c'est Enrico Pieranunzi qui revient aussi, lui, avec un nouvel album. Ça fait longtemps qu'il ne nous avait pas sorti de nouvel album, parce que lui, il en fait au moins 3 ou 4 par an. Et là, ça fait bien au moins un an qu'il n'avait rien fait. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir, puisqu'il s'était fait discret suivant sa méthode habituelle de travail un peu staccanoviste. Voilà, on revient à l'actualité des coups de cœur, avec un album qui vient juste de sortir. Alors on sort un petit peu là des trompettistes, mais vous inquiétez pas, on va venir en finale de cette émission, avec une sorte de compilation du saxophoniste anglais Courtney Pine qui sort, qui s'appelle Out of the Ghetto, A Modern Day Jazz Story, et qui compile quelques-uns des enregistrements qu'il a fait entre 1980 et 2000, donc les 20 premières années de sa carrière, puisque ce jeune homme est né en 1964, donc c'est un très jeune homme, on va dire, et il a une importance assez considérable au milieu des années 80 en tant que musicien à la fois de jazz, mais aussi musicien souvent invité à venir croiser le fer avec des musiciens de pop, des musiciens de hip-hop anglais aussi. Et il a un petit peu intégré tout ça dans sa musique sous son nom propre de Courtney Pine. Il avait sorti quelques albums qui ont bien bien fonctionné dans les années 80, mais aussi sous le nom d'un ensemble qui s'appelait les Jazz Warriors, qui a existé sur la fin des années 80 et début 90, et qui a beaucoup travaillé lui aussi avec ce groupe Jazz Warriors, avec les musiciens du hip-hop et du rap anglais, voire américain aussi, de la fin des années 80 et du début des années 90. Il avait notamment participé à ces somptueuses compilations qui étaient sorties à l'époque, qui s'appelaient Rebirth of Cool. Il y avait eu au moins 7 éditions différentes de ces compilations qui célébrer le mariage entre le hip-hop et le jazz. Donc on va revenir un petit peu sur cette trajectoire de Courtney Pine avec ce premier morceau qu'on va écouter, qui est un morceau qui s'appelle Sacrifice, qui date de 1988 et qui est intégré à cette compilation qui sort ces jours-ci. Compilation qui s'intitule Out of the Ghetto, Modern Jazz Story de Courtney Pine. On l'écoute tout de suite. Thank you. Sacrifice, donc extrait de cette compilation de Courtney Pine qui sort ces jours-ci, Out of the Ghetto, Modern Jazz Story, qui revient sur le parcours de Courtney Pine. Alors l'occasion de le remettre un petit peu en valeur avec ce son sax très très très classique, hein, très très soft. Certains lui reprochaient même d'être un petit peu soft, mais enfin bon, ça joue quand même. Et puis derrière, il y a un joli groupe. On va illustrer tout ça avec un autre morceau qui lui était sorti sur une compilation sortie en 1995 pardon, qui s'appelait Modern Day Jazz Stories et qui était en fait une rencontre entre différents artistes aussi bien du jazz anglais que du jazz américain. Et dans cette compilation, il y avait un morceau donc qui était une reprise du thème de Billie Holiday, Don't Explain, donc avec bien sûr Courtney Pine au sax, Mark Whitfield à la guitare, Ronnie Burrage à la batterie, Charnette Moffett à la basse et DJ Pogo qui faisait les platines, qui tenait les platines, etc. Et puis il y avait aussi la grande Jerry Allen qui jouait du piano et de l'orgue sur ce morceau-là. Mais voilà, la grosse surprise aussi, c'était d'avoir Cassandra Wilson qui reprenait cette chanson de Billie Holiday. Donc c'est la voix de Cassandra Wilson que vous allez entendre à côté de ce beau monde sur une des plus belles chansons du monde, Don't Explain, la chanson qui raconte la douleur d'une femme qui voit son homme revenir au petit matin et qui lui dit surtout « Ne m'explique pas pourquoi tu rentres aussi tard, j'ai bien compris dans tes yeux ce qui s'était passé ». Voilà, Don't Explain, enregistré par Courtney Pine avec Cassandra Wilson en 1995. know you raised Cain. I'm glad you're back. Don't explain. Why you don't explain. What is there to gain? La voix de Cassandra Wilson en compagnie du sax de Courtney Pine, des platines de DJ Pogo pour cette version un peu revisitée en 1995 avec un son plus moderne issu du hip-hop, de Don't Explain de Billie Holiday, une bien belle version et puis un souvenir assez extraordinaire d'ailleurs de Cassandra Wilson au festival de jazz en Touraine il y a de très nombreuses années, il y a plus de 25 ans je pense, où elle était arrivée sur scène alors que ses musiciens jouaient déjà, avaient lancé le concert. Elle arrivait sur scène dans une robe qui semblait avoir été cousue sur elle. Il y a eu une sorte de silence, une sorte de gasp de l'ensemble du public. On a l'impression de voir Marilyn Monroe arriver pour l'anniversaire de JFK. C'était vraiment assez extraordinaire. Et puis quand elle a commencé à chanter, on était tous complètement envoûtés et amoureux. Voilà pour ce petit détour par l'histoire de Cassandra Wilson. On va continuer cette exploration de l'univers de Courtney Pine avec ce groupe dont je vous parlais tout à l'heure, les Jazz Warriors, qui apparaissait quelques années plus tard, en 1993, sur la compilation Rebirth of Cool, dont je vous parlais en introduction de ce petit focus sur Courtney Pine. Donc les Jazz Warriors qu'avait fondé Courtney Pine, mais à l'époque en 93, il est déjà plus avec eux. Ces Jazz Warriors, qui était un ensemble de musiciens donc londoniens principalement, mais anglais en général, qui ont travaillé pendant toutes les années 80 jusqu'au début des années 90 ensemble, puis ensuite qui se sont un petit peu égaillés. Mais parmi eux, il y avait un bassiste qui s'appelait Gary Crosby, et c'est lui, Gary Crosby, qui a initié ensuite, dans les années 2000, un autre sorte d'atelier qui s'appelait Tomorrow's Warriors, les guerriers de demain, et qui a été une sorte d'école de jazz pour les jeunes musiciens de Londres et des environs, et qui a quand même donné comme artiste des gens comme le groupe Ezra Collective, Nubia Garcia, la saxophoniste, Camilla George, autre saxophoniste, Shabaka Hutchings, etc. Tous ces gens-là sont issus de cette école Tomorrow's Warriors qui était née de l'invention de ces Jazz Warriors. Donc voilà, un groupe auquel on doit beaucoup. Et donc en 1993, sur la compilation Rebirth of Cool, mais aussi sur un EP qu'ils avaient sorti séparément, ils reprenaient un thème de Herbie Hancock qui s'appelle Caméléon, qui était sorti en 73, donc 20 ans plus tôt, sur l'album Headhunters de Herbie Hancock, et ils en faisaient une très très belle version à nouveau mise à jour. Et donc on va écouter cette version des Jazz Warriors, Caméléon, de Herbie Hancock. Thank you. Jazz Warriors, donc en 1993, reprenant ce Chameleon de Herbie Hancock qu'il avait sorti lui en 1973 sur l'album Headhunters, et c'est l'occasion bien sûr rêver de réécouter l'original avec cet album de Herbie Hancock qui a marqué complètement les esprits. Avec des thèmes absolument incroyables dans lesquels il faisait ressortir toute la funk, et était sous influence notamment de Sly Stone et Sly Family Stone qui avait cassé la baraque. Miles Davis lui aussi d'ailleurs était un petit peu sous leur influence. Il avait notamment repris cette merveilleuse version de Watermelon Man dans lequel l'intro est joué sur des bouteilles de bière en soufflant. Tout le groupe souffle alternativement dans les bouteilles de bière plus ou moins remplies, et ça fait la rythmique de départ de Watermelon Man absolument magique. Et puis donc ce Chameleon qui prend à lui seul pratiquement toute une face, donc on va en écouter qu'un tout petit bout. Herbie Hancock au clavier, synthétiseur bien sûr, déjà les premiers, Benny Maupin au sax et aux flûtes, Paul Jackson à la basse, Harvey Mason à la batterie et Bill Summers au percu. Headhunters 1973, c'est parti. I'm parti comme ça pendant 15 minutes, mais bon, on ne peut pas se permettre, hein, ce n'est pas possible de passer les 15 minutes, on va dépasser largement les horaires de cette émission. Mais voilà, vous voyez un peu le style. En 1973, vous imaginez quand on s'est pris ça dans les oreilles à l'époque, waouh, ça a paru complètement fou dingue. Cette espèce de musique à base de synthétiseurs, de claviers, d'électronique naissante dans la musique, c'était vraiment un vrai bonheur. Alors on va passer maintenant à l'agenda concert avec à signaler quand même très important cette semaine un concert à l'espace Malraux avec Rhoda Scott et son Lady Quartet avec Géraldine Laurent, Lisa Cadbero et Julie Lossori, et puis en invité deux hommes venus chanter avec elle, David Lynx et Hugh Coltman. Donc un joli concert à ne pas rater le 29 avril, donc Espace Malraux, donc dans deux jours quoi, en gros on peut le dire. Et puis très bientôt au Petit Faucheux, où ça nous ça va le 10 mai, le PLC Big Band, le groupe du lycée Paul-Louis Courier, avec Bruno Ruder qui est venu leur faire des petites leçons de jazz, donc le 11 mai au Petit Faucheux aussi, puis le 12 mai, retour à l'espace Malraux avec le Petit Faucheux aussi en coproduction pour le concert en duo de John Scofield et Gerald Clayton, John Scofield à la guitare, Gerald Clayton au clavier, on en a déjà beaucoup parlé dans les émissions précédentes, donc voilà, si vous voulez y aller, continuez à acheter des places, je crois qu'il en reste encore, donc dépêchez-vous avant que ça soit sold out. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Tiens, merci encore une fois Maxime pour le travail à la technique, absolument extraordinaire. Et puis, on va terminer avec un autre trompettiste, puisqu'on avait commencé avec les trompettistes. L'édition en vinyle pour la première fois du concert complet de Kenny Dorham au Café Bohémia, Complete Round Midnight at the Café Bohémia, qui était sorti en 1956 à l'époque, et donc qui en cette année 2026 fête ses 70 ans avec une sortie vinyle assez luxueuse. Donc c'est un concert enregistré à l'époque dans ce petit club, le Café Bohémia, le 31 mai 1956, et qui a été sorti à la fin de l'année 1956, qui est ressorti avec des bonus en 2002, et c'est cette version avec des bonus qui ressort aujourd'hui dans un petit coffret vinyle, un petit peu cher, oui, mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, Kenny Dorham, donc, qui est accompagné de J.R. Montrose au sax ténor, Kenny Burrell à la guitare, Bobby Timmons au piano, Sam Jones à la basse, Arthur Edgehill à la batterie. Le tout est produit par Alfred Lyon, et bien sûr, l'ingénieur du son, c'est toujours Rudy Van Gelder, qu'on a toujours l'occasion de citer dans cette émission, tellement il a enregistré de merveilles. On est là sur un jazz tout à fait bop, tout à fait classique. Alors c'est à noter quand même que dans cet album il y a plusieurs morceaux dont les crédits sont un petit peu douteux, parce que il y a un morceau qui s'appelle Hill's Edge qui semble ressembler étrangement au fameux tune-up qu'avait notamment joué quelques années auparavant Miles Davis. Il a juste rajouté un ou deux petits thèmes au début et à la fin, Kenny Dorham, pour pouvoir se le mettre dans la poche au niveau des droits. Il y a un New York theme qui ressemble étrangement au 52nd Street theme de Thelonious Monk, avec lequel Kenny Dorham a joué. Il y a Royal Roast qui ressemble aussi au Street Boys de Kenny Clark, et un autre morceau aussi qui a été à l'inverse repris par Sonny Rollins sous un autre titre, le Tenor Madness notamment. Et puis voilà, il y a un autre morceau, Mexico City, qui ressemble étrangement au Tempus Fugit de Bud Powell. Voilà, apparemment Kenny Dorham était un petit filou au niveau des droits des morceaux, mais bon voilà, c'était de bonne guerre dans ce monde un petit peu sauvage du jazz. Kenny Dorham, donc superbe trompettiste qui a commencé sa carrière chez des gens comme Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, et puis ensuite l'a continué dans les années 50 avec Thelonious Monk, Art Blakey, Max Roach, enfin une bien belle carrière qu'il a fini en étant professeur dans différentes écoles de la région de New York, école de jazz bien sûr, et aussi il était journaliste pour le journal spécialisé de jazz Downbeat aussi, et il est mort malheureusement en 1972 des suites d'une maladie rénale, mais voilà, une belle carrière, et ce live de 1956 donc, qui ressort aujourd'hui en vinyle, live at the Café Bohémien, ça s'appelle The Complete Round Midnight at the Café Bohémien. On va se quitter là-dessus, donc sans vous souhaiter une très belle semaine, et en vous disant à lundi prochain, et d'ici là, que le jazz soit avec vous. On finit donc avec Kelly's Blues de Kenny Dorham, tout de suite dans les oreilles.